Non, on est vraiment mort. Dans mes années là. Pas mal ces synthés, je sais pas si c'est des virtuels ou... Ah, Miami Vice, ouais. Sont pas nommés les Norlid. Ah, il la connaît en plus. Elle la connaît, hein. Thank you.